إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدئ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc avant de commencer, une remarque importante pour les assises de science et d'apprentissage que Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah avait pour habitude de rappeler de temps à autre, c'est que les gens, volontairement ou involontairement, prennent de mauvaises habitudes. Il y a des personnes âgées, fragiles, malades, qui ont des problèmes de dos. On comprend pourquoi ils vont s'asseoir sur une chaise. Ils vont chercher à s'adosser sur un pilier, un mur. Mais quand on voit des jeunes, des personnes en bonne santé, s'éloigner de la personne qui donne le cours pour, soi-disant, chercher un certain repos, ça, ce n'est pas une bonne habitude. Ce n'est pas une bonne habitude. Il y a des personnes, ils ont des excuses reconnues, mais d'autres, ils n'en ont pas. Donc, une bonne habitude à avoir, c'est de se rapprocher, de s'asseoir le plus proche, le plus près possible. Barakallahu fikum. Et ceci fait partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'aimait pas voir les gens, lorsqu'ils sont ensemble, éparpillés. Un groupe par là, quelques-uns par là, et ainsi de suite. Ce n'est pas une bonne chose. Le cours, comme vous l'avez entendu, زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. Les épouses du prophète عليه الصلاة والسلام sont les mères des croyants. Donc c'est le titre honorifique qu'il leur est donné en tant qu'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc Allah تبارك وتعالى les élève et leur donne un haut rang du fait qu'elles aient été les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une marque de respect. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans notre foi et notre croyance en lui en tant que prophète et messager, ceci implique qu'on se doit de lui obéir, de le suivre, de le prendre comme exemple, et aussi de le respecter, de défendre sa personne, sa tradition, son honneur, et de montrer un haut respect envers ses proches, à lui, alayhi salatu wassalam, dont ses épouses. Ses épouses, les femmes avec lesquelles il a été marié, alayhi salatu wassalam. Et venir à faire du mal, à nuire, d'une manière ou d'une autre, au prophète alayhi salatu wassalam, c'est une très grande gravité. C'est un acte de mécréance de s'en prendre au prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui le fait n'a pas concrétisé l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Allah nous dit dans le Coran, inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasoulah لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. Dans le sens du verset, ceux qui nuisent, qui font du mal, du tort à Allah et à son messager, ils sont maudits par Allah ici-bas et dans l'au-delà, et il leur a préparé un châtiment avilissant, humiliant. Donc que craignent Allah Azza wa Jal ceux qui s'adonnent à ces actions qui sont des actions destructrices, qui amènent vraiment la personne à sa perte dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les prophètes, on leur doit un énorme respect. Ce sont les élus d'Allah Azza wa Jal, des hommes qu'Allah a élevés au statut de prophète, d'autres au statut de messager. Ce sont les meilleurs des hommes. Même pour plaisanter, pour s'amuser, on n'a pas le droit. D'abord, en religion, lorsqu'on plaisante, on ne plaisante qu'avec la vérité. La plaisanterie ne permet pas, ne légitime pas le mensonge. Le mensonge est interdit, même en plaisantant. Et quiconque voudrait plaisanter, qu'il ne plaisante qu'avec de la vérité. Et il ne plaisante qu'avec, dans les domaines dans lesquels il lui est permis de le faire. Et ce n'est pas tout domaine dans lequel il est permis. On ne rabaisse pas, on ne dénigre pas, on ne se moque pas, on ne rit pas des prophètes, des récits des prophètes, ou tout ce qui a trait aux prophètes. C'est un domaine qu'on ne touche pas. C'est du sérieux. Comme disait l'imam Malik, alayhi rahmatullah, si tu veux t'amuser, ne t'amuse pas avec la religion. Pas avec la religion. Donc même quelqu'un, il se dit humoriste. D'abord, l'humoriste, c'est un métier qui n'est pas accepté en islam. D'en faire un métier, d'être un clown face aux gens, les gens, ils te voient, ils se mettent à rire, ça, ce n'est, en islam, ça n'existe pas. Et en général, ce sont des gens qui sont obligés d'inventer des récits qui n'existent pas. Du mensonge. Ils se moquent de la création d'Allah, Azza wa Jal. De la façon qu'est une personne, de sa façon de marcher, de parler, d'être. En faisant cela, tu te moques de la création d'Allah. Tu te moques d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui l'a créé de cette manière. C'est lui qui en a fait une personne de cette manière. Pourquoi tu te moques de lui? Donc tu t'en prends à la création d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Donc le prophète alayhi salatu wassalam entre dans le respect qu'on a pour lui, d'avoir du respect pour ceux qui font partie de sa dignité, de son honneur, ses épouses radiyallahu anhunna. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran wa azwajuhu ummahatuhum, dans le sens du verset, et ses épouses, les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, elles sont leurs mères. Ça, c'est un verset coranique. Et quiconque s'attaque, dénigre, insulte d'une manière ou d'une autre les épouses ou l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wasallam, qu'il sache qu'elle n'est pas une mère pour lui, car elle est la mère des croyants. Et jamais un véritable croyant ne peut s'adonner à ces choses-là. Ici, lorsqu'on dit ce sont les mères des croyants, c'est dans certains sens du mot mère et non pas dans tout ce qu'englobe ce mot. Une mère, une maman qui a enfanté, son enfant ne peut pas se marier avec elle. Et le musulman ne peut pas se marier avec la mère des croyants. Après la mort du prophète, alayhi salam, ses épouses, elles sont interdites en mariage pour quiconque. Parce qu'elles sont les mères des croyants. Mais ta propre maman, tu as le droit de l'approcher, de la toucher, de t'isoler avec elle, de voyager avec elle, pas avec les épouses du prophète, alayhi salam. Donc ça n'atteint pas ce sens-là. Donc, il n'y a pas, donc on appelle en arabe, de mahramiyya. ils ne deviennent pas mahram. Si ce n'est des hommes qui sont déjà mahram avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme leur propre fils ou leur frère. Donc un homme qui a une proche parenté de par le sang ou par le lait, il y a un lien. Sinon tous les autres, ce n'est pas parce qu'elles sont mères des croyants que cela veut dire qu'il peut tout faire avec elles comme il le fait avec sa propre maman. Non. Il la considère comme sa mère, elle a le statut de mère, mais pas dans tous les domaines. Ça, c'est un point important à retenir. قال الإمام الشافعي رحمه الله فقوله وأزواجه أمهاتهم. Ce qu'on va voir, Inch'Allah, le cours, il est pris d'un article écrit par un des cheikhs d'Algérie, les honorables cheikhs en Algérie. Alhamdulillah, Allah a fait qu'on vit une époque où dans ce pays musulman, il y a un groupe de mashayikh, de ulama, le tolab al-ilm, alhamdulillah, sur le droit chemin, reconnu, alhamdulillah. Et parmi à leur tête, il y a le grand savant, le cheikh Mohamed Ali Farkous, hafidhahullahu ta'ala, hafidhahullahu jami' al-mashayikh. Parmi eux, il y a cheikh Lazhar Sniqra, cheikh Azdin Ramadani, cheikh Abdel Ghani Awissat, cheikh Najib Jalouah, cheikh Hassan Eid Aljet, et d'autres mashayikh. Alhamdulillah, je ne connais pas tous les noms, mais d'autres mashayikh, mashallah, qui sont en Algérie, alhamdulillah. Et donc là, c'est un article d'un des cheikhs d'Algérie qui s'appelle Hassan Bouklil, hafidhahullahu ta'ala. Donc, il a fait une recherche sur les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Qala l'imamu al-shafi'iyu, rahimahullahu ta'ala. Ça, c'est une revue, un magazine qu'ils ont, les mashayikh d'Algérie, qui s'appelle Al-Islah, la réforme. D'accord, il y a beaucoup de numéros, ça fait quelques années déjà qu'il existe. Et il y est même en volume. Hein. Dès qu'il y a un certain nombre de numéros qui forment un volume, ils en sont, je crois, au 7e ou 8e volume, si je ne me trompe pas. Alhamdulillah, très, très enrichissant. Et il y a beaucoup de clarification du tawhid, de la sunna, de la voix des pieux prédécesseurs. Il y a beaucoup de choses très bénéfiques. Jazakumullahu khairan. قال الإمام الشافعي رحمه الله فقوله وأزواجه أمهاتهم يعني في معنى دون معنى. الإمام الشافعي عليه رحمة الله dit, concernant la parole divine, وأزواجه أمهاتهم, dans le sens du verset, et ses épouses, elles sont leurs mères, les mères des croyants. C'est dans un sens et pas dans l'autre. Dans certains sens, elles sont mères, mais ce n'est pas dans tout ce qui englobe le mot mère, dans certains domaines et pas d'autres. وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال, de sorte que ils ne peuvent pas les épouser après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن, et il ne leur est pas interdit de se marier avec les filles de ses épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles avaient des filles, le fait que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants, cela n'interdit pas à cet homme de se marier avec les filles de ses femmes. Alors que ta propre mère, si elle a une fille, tu n'as pas le droit de se marier avec, parce que c'est ta sœur du côté de ta mère. كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم. Donc, alors que ta propre mère qui t'a mis au monde, ou ta propre mère de par le lait, par l'allaitement, tu n'as pas le droit de te marier avec sa fille. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, il dit, et les musulmans sont unanimes, les savants de l'islam sont unanimes comme quoi après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit aux hommes de se marier avec ses femmes. فَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُرْمَةِ وَالْتَحْرِيمِ, donc elles sont les mères des croyants, dont il est interdit de se marier avec elles. وَلَسْنَا أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ. Et elles ne sont pas les mères des croyants dans le domaine de l'mahramiyya. C'est pas parce qu'elles sont les mères des croyants qu'elles deviennent mahram. Al-mahram, c'est le proche de la femme avec lequel elle ne peut pas se marier. Celui avec lequel elle peut s'isoler, comme son père, son oncle, son frère, son neveu, son fils. D'accord ? Ça, on appelle ça l'homme mahram, avec lequel elle peut voyager, qui peut la saluer, c'est-à-dire lui tendre la main, donc, ou d'une autre manière. Donc, ça, c'est le mahram. Souvent, les jeunes, hommes ou femmes, en français, quand ils parlent, ils veulent par exemple parler du wali. Et ils disent, pour une femme, elle n'a pas de mahram. C'est une erreur, il faut corriger. Plusieurs fois, ça arrive. Donc, il y a une erreur. Il faut employer les bons mots. Ils veulent dire que cette femme, elle n'a pas de wali, elle n'a pas de tuteur, d'homme qui la représente pour se marier. Donc, eux, ils disent quoi ? Elle n'a pas de mahram, ce qui est faux. C'est rare, une femme qui n'a pas de mahram. C'est rare. Une personne, elle n'a personne, pas de famille, rien. C'est rare. Donc, elle a un mahram, seulement, ce mahram ne peut pas être tuteur. C'est pour cela qu'elle cherche, comme une convertie en général, elle cherche un tuteur. Mais c'est le mot wali, tuteur. Le mahram, c'est le proche parent qui peut s'isoler avec cette femme. وَعَلَى وَجُوبِ احْتِرَامِهِنَّ. Donc l'obligation de les respecter, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, l'obligation, ici, lorsqu'on dit les mères des croyants, ceci prouve, il nous montre qu'il est obligatoire de les respecter. فَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ في الحرمة والتحريم ولسنا أمهات المؤمنين في المحرمية فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن. Donc en dehors de leurs proches parents, des hommes proches d'elles de par le biais du sang ou de l'allaitement, en dehors d'eux, ils ne peuvent pas, aucun homme ne peut s'isoler avec elles. ولا السفر بهن, ni voyager avec elles. كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه. Comme l'homme, il le fait avec les femmes qui lui sont proches, sa maman, sa sœur, et ainsi de suite. Donc, il peut voyager avec elles, mais pas avec les mères des croyants. Ça, c'est pour montrer que lorsqu'on dit les mères des croyants, ici, le mot mère n'est pas dans tous les sens du terme. Dans certains domaines, pas dans d'autres. Une question. هل النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ Est-ce qu'on peut dire que le prophète sallam, il est le père des croyants? Du fait que ses épouses, elles ont ce titre. Elles sont les mères des croyants. Donc, est-ce que le prophète sallam, on peut dire de lui qu'il est le père des croyants? جاء في بعض القراءات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وتنسب لأبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. Il y a dans certaines lectures du Coran, et les Sahaba رضي الله عنهم, dans leur masahif, leur Coran écrit qu'ils avaient, ils mettaient certaines explications. Ils mettaient certaines explications, des mots pour clarifier un verset. Dans ceux de Ubay ibn Ka'b et d'Ibn Abbas, on retrouve que après le verset An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, il y a ce rajout wa huwa abul lahum, et il est leur père. C'est-à-dire le prophète, il est prioritaire. Il passe avant que les croyants eux-mêmes, et il est pour eux un père. فالنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمن. De là, on comprend que le prophète صلى الله عليه وسلم, il est aussi considéré comme père pour les croyants. قال شيخ الإسلام رحمه الله القراءة المشهورة تدل على ذلك. Cette lecture célèbre qu'on a, elle prouve cela. فإن نساءه إنما كن أمهات المؤمنين تبعا له. Car ses épouses, elles ne sont devenues mère des croyants que parce qu'elles sont ses épouses, donc elles ont eu ce titre suivant le titre que lui avait alayhi salatu wassalam. فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات. S'il n'était pas comme un père, ses épouses n'auraient pas été comme des mères. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا مقتضى القياس. Ça c'est ce qui ressort de la comparaison par analogie. إذا كانت زوجاته أمهات فهو أب. Si ses épouses, le fait qu'elles soient ses épouses, c'est ce qui a fait qu'elles deviennent mères, alors lui, il est père. ولكن ليس أب النسب. Mais ceci ne veut pas dire qu'il est, il a le même titre que le père par le lien de sang. Comme on a dit tout à l'heure pour les mères. Donc, quand on dit les pères, ça ne veut pas dire que toutes les femmes musulmanes, elles sont ses mahalim. Non. Mais il est comme un père, même plus qu'un père pour les croyants. Et Allah dit dans le Coran, « Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum » Muhammad n'était le père d'aucun de vos hommes. Donc, ce côté de père, de par le père qu'on entend par le lien de sang, la filiation, ça, ce n'est pas ça qui est voulu par ce mot-là. وقال الإمام الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عليه رحمة الله وهذه الأبوة أبوة دينية. Il dit et cette paternité c'est une paternité religieuse. C'est une paternité religieuse. وهو صلى الله عليه وسلم أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده. Et le prophète sallam, il a bien plus de compassion, d'amour, de miséricorde envers les croyants qu'un père ne l'a envers ses enfants. هل إخوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخوال للمؤمنين؟ Question aussi. Est-ce que les frères des épouses du prophète sallam ils ont le titre d'oncle maternel des croyants. Al-Khal, c'est l'oncle maternel. Est-ce que de ce fait d'être le frère de la mère des croyants, il a le titre d'oncle des croyants? Ça, c'est un khilaf, une divergence entre les savants de l'islam. Ils ont divergé sur ce point-là. Il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas. Et un qui est connu, qu'on l'appelle... On lui donne le titre de Khal al-Mu'minin, c'est qui? C'est Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, car lui, sa sœur, elle est l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? La fille d'Abu Sufyan, on verra plus tard, inshallah, qui était l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est la sœur de Muawiyah. Mais même lorsque on a donné ce titre à Muawiyah, c'est un titre honorifique et non pas un titre spécifique à Muawiyah. Non, ceux qui l'ont donné à Muawiyah, ça veut dire que tous ceux qui sont dans la même situation que Muawiyah, ils l'ont. Mais ils l'ont précisé pour montrer le côté valeureux et honorifique de Muawiyah, radiyallahu anhu. Même si cela déplaît aux chiites, aux rawafid, qu'Allah il leur donne la punition qu'ils méritent, et tous ceux qui les aident de près ou de loin, comme les frères musulmans, la secte des frères musulmans qui aiment les chiites, al-Rawafid, qui veulent se rapprocher d'eux, qui font tout pour être avec eux. Et ils font croire à la communauté que le problème avec les chiites il n'est qu'un problème politique. Il n'y a que le mot politique chez eux, subhanallah. Ils croient que c'est des partis politiques. C'est la gauche contre la droite, subhanallah. A'udhu billah. Les chiites, al-Rawafid, ils disent que la majorité des compagnons sont des mécréants. C'est une question politique. A'udhu billah. Ça veut dire que l'islam, il n'est pas bon. L'islam, il n'est pas bon. Le Coran, qui nous l'a rapporté? Qui nous l'a rapporté? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, ils ne l'ont pas vu. Qui leur a transmis le Coran? Ce sont les sahaba, radiallahu anhum. Qui a transmis la sunna? Ce sont les sahaba, radiallahu anhum. Donc, ils veulent nous faire croire, ces chiites, al-rawafid, que notre religion, on l'a pris de mécréants apostats. Wa'iyadu billah. d'une gravité. Il touche même à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme simple, une simple personne, est-ce qu'il aimerait qu'on touche à son épouse? Répondez. C'est pas possible. Subhanallah. Mais que dire du meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils en ont fait une ibadah, un acte d'adoration, de maudire et d'insulter son épouse. Wal'iyadu billah. Et les frères musulmans te font croire, non, c'est qu'une une école juridique comme toutes les autres écoles juridiques. Ils comparent les chiites avec le madhhab al-hanafi, wal-maliki, wal-shafi'i, wal-hanbali, a'udhu billah. L'imam al-shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Abu Hanif sont des imams de l'Ahl-Sunnah. Dans la croyance et le dogme et la voie à suivre, ils sont unanimes. Subhanallah. Ce sont des imams et des savants de l'islam. Je ne parle pas de ceux qui ont entaché leur école avec leur suivi aveugle et donné aux imams et aux savants un grade et un degré qui n'est pas le leur et qui font un suivi aveugle et ils croient être ceux qui sont plus en droit de l'imam Malik ou de l'imam Ahmed ou de l'imam Shafi'i ou de l'imam Abu Hanifa. C'est pas vrai. Ces quatre imams sont innocents de ces gens-là qui s'attachent à eux aveuglément et qui font croire que tout ce qu'ils disent est vérité. Non, ce sont des savants de l'islam qui ont du savoir, mais il se peut qu'ils se trompent. Nous, on n'est pas comme les chiites ni comme les soufis qui faisons croire que le shirk ne se trompe jamais. Le shirk, il est infaillible. Le sunna combat ça. Ça n'existe pas. L'infaillibilité n'a été donnée qu'au prophète. Alayhi salatu wassalam. Selon les hommes, il faut vérifier leurs paroles, leurs propos, est-ce qu'ils sont en conformité avec les textes ou pas. Et ils ont leur part d'erreur. Ils ont fait leurs efforts, ils se sont trompés, Allah leur donne la récompense. Parce qu'ils ne sont pas maîtres du résultat. Subhanallah. Tayyib. Est-ce que les servantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes esclaves, elles ont le titre de mère des croyants? Une autre question. Qala Muhammad ibn Muhammad al-Hattab al-Maliki rahimahullah. Waqa'a bayna ba'd talabat al-'ilm bahthun fi ummi waladihi Ibrahim. Hal hiya min ummahat al-mu'minin am la? Donc ça, c'est un grand savant maliki. Et qui dit qu'entre certains étudiants, il y a eu cette question, cette recherche. Est-ce que Maria, al-Qibtiya, Maria, la copte, l'égyptienne, qui a donné au prophète sallam l'enfant qui s'appelle Ibrahim, est-ce qu'elle est considérée comme mère des croyants ou pas? والذي يظهر لي انها ليست من امهات المؤمنين. Mais ce qui apparaît, ce qui est le plus sûr, c'est qu'elle ne fait pas partie des mères des croyants. لما في صحيح البخاري من كتاب الجهاد وكتاب النكاح. À cause de ce qu'on retrouve dans l'authentique de Bukhari, dans le chapitre du combat dans le sentier d'Allah et dans le chapitre du mariage. Annahu sallallahu alayhi wa sallam lamma bana bi Safiya qala ashabuhu hal hiya ihda ummahat al-mu'minin aw mimma malakat yaminuhu thumma qalu in hajabaha fa hiya ihda ummahat al-mu'minin wa in lam yahjabha fa mimma malakat yaminuhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient à Khaybar pour la bataille de Khaybar et que les musulmans ont eu le dessus, ont gagné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu Safiya. Safiya radiallahu anha, qui est une des mères des croyants, c'est la fille d'un rabbin, c'est une hébreu min bani Israël. Son père, c'était un rabbin connu, un ennemi de l'islam, qui s'appelait Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab. Donc elle, on l'appelle Safiyya bint Huyay. Radiallahu anha. Lorsque le prophète sallam a pris cette femme, il va lui dire qu'elle se marie avec lui, que ce sera son affranchissement. Mais les sahaba, à ce moment-là, ne le savent pas. Donc ils ont dit, si jamais elle se voile complètement, c'est que c'est une mère des croyants. Si il ne lui demande pas de se voiler complètement, c'est que c'est seulement sa servante, son esclave, et ce n'est pas... Voilà. Et ils employent le mot « mère des croyants ». C'est-à-dire que c'est en tant qu'épouse qu'elle devient mère des croyants. Et puis, il y a eu cette question, quelle est la meilleure des mères des croyants ? Khadija ou Aïcha ? Et Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, il résume ce sujet dans lequel il y a eu des divergences entre les savants parce qu'il y a des textes qui parlent de l'une et des textes qui parlent de l'autre. Radiallahu anhum ajma'in. Puis Ibn al-Qayyim, il dit, j'ai questionné à ce sujet Ibn Taymiyyah. C'était son professeur. Il a dit, j'ai eu l'occasion de demander à Ibn Taymiyyah sur ce sujet. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il lui dit que chacune, elle a eu son côté particulier à elle. Khadija, ce qu'elle a fait au début de l'islam, les moments difficiles, comment elle a soutenu, secouru, aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle le pouvait, ce sont des actions qui sont propres à Khadija radiallahu anha, et de ce côté là elle est la meilleure. Aïcha radiallahu anha, elle a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été auprès de lui à la fin de sa prophétie, hein, à la fin de sa vie alayhi salatu wa sallam, et ce qu'elle a appris, retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme enseignement et qu'elle en a fait profiter la communauté après sa mort, alayhi salatu wa sallam, ce sont des qualités qui sont propres à Aïcha. Voilà en résumé ce qu'a dit Ibn Taymiyyah là-dessus. Maintenant, Inch'Allah, on va voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants. La première, Khadija bint Khuwaylid al-Qurashiyya. Donc c'est Khadija, fille de Khuwaylid la Quraishite. Toufiyat fi sanati al-thalitha qabla al-hijra. Elle est décédée, radiallahu anha, 3 ans avant l'émigration, c'est-à-dire en l'an 10 de la prophétie. En l'an 10 de la prophétie, 10 ans après la prophétie. Elle est restée avec le prophète sallam en tant que prophète, 10 ans. Et la hijra, elle a eu lieu 13 ans après la prophétie. Donc elle est morte, radiallahu anha, 3 ans avant la prophétie, avant l'immigration. Kana tud'a fil jahiliya at-tahira. À l'époque pré-islamique, on l'appelait la pure. Qala adh-dhahabi rahimahullah. L'imam adh-dhahabi alayhi rahmatullah, il dit: أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانهم في زمانها la mère des croyants et l'élite des femmes des mondes à son époque à elle. أم القاسم la mère de القاسم وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد. Et c'est la première personne à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant quiconque. C'est son épouse. Lorsqu'il a reçu la révélation et qu'il s'est accouru, où est-ce qu'il est parti ? Chez lui. Et il a demandé à sa femme de le couvrir. Et il lui a raconté. Et elle a cru en lui. C'est la première. Radiallahu anha. وثبتت جأشه ومضت به الى ابن عمها ورقه. Donc elle l'a calmé, apaisé, et elle l'a emmené chez son cousin, le fils de son oncle, qui s'appelle Waraqa. Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, il fait partie d'un groupe de Quraysh, d'habitants de la Mecque, qui étaient monothéistes. Il y avait un groupe de monothéistes qui n'étaient pas d'accord avec le polythéisme et qui n'acceptaient pas l'adoration d'autre que Allah. Mais ils ne savaient pas quel chemin suivre. Ils ont combattu ce que faisait Quraysh et ils se sont réunis et décidé d'aller chercher le droit chemin. Waraqa, il est devenu chrétien. Il a été chez les Nasara et il a appris. C'est devenu un érudit. Il connaissait l'évangile. Un autre homme connu, de la même époque, ils étaient ensemble, mais ils se sont séparés, chacun cherchait son chemin. C'est qui? C'est Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qui est le père d'un des 10 premiers au paradis, Saïd ibn Zayd. Dans la liste des 10 que le prophète cite qui sont au paradis, il y a Saïd ibn Zayd. Saïd, c'est le fils de Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, c'est lui qui est parti voir les juifs et il leur a dit: montrez-moi le droit chemin. Ils lui ont dit: si tu cherches un chemin dans lequel il y a la colère d'Allah, suis-nous. Il leur a dit: mais moi j'ai fui la colère d'Allah. Ils lui ont dit: le droit chemin c'est celui d'Ibrahim. Il leur a dit: montrez-moi le chemin d'Ibrahim. Ils lui ont dit: il n'y a plus personne sur ce chemin aujourd'hui. Puis il est parti voir les chrétiens et il leur a demandé et ils lui ont dit la même chose. Seulement ils lui ont dit: on vit l'époque où d'après les textes ceci ressemble à ce qui est écrit dans les textes, que c'est le moment où va sortir le dernier prophète. Il va sortir dans la péninsule arabique. Puis il est retourné pour attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il connaissait déjà Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de lui. Il dit qu'il l'a déjà rencontré avant qu'il soit prophète. Mais sur son chemin, des gens envoyés par Quraysh l'ont assassiné. Rahimahullah. Et ils l'ont assassiné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'informe. Il lui révèle ce qu'a eu cette personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cet homme, il sera ressuscité yom al-qiyama avec la qualité de toute une communauté. Lui, à lui seul, il vaut une communauté entière. Yub'athu yom al-qiyamati ummatan wahda. Cet homme qui cherchait cette vérité et qui était monothéiste. Donc il y avait Waraqa ibn Nawfal aussi, qui était un des monothéistes. Et il est dit que il est compté parmi les compagnons. Certains savants disent qu'il est compté parmi les compagnons, qu'il a cru au prophète sallam quand il lui a dit: celui qui est venu à toi. En parlant de qui? De Jibril alayhi salam. Lorsqu'il lui a dit que cette créature qui m'a apparu alors qu'il était dans la grotte de Hira, et ainsi de suite, il lui a dit: celui qui est venu à toi avec le message, c'est le même qui est venu à Moussa alayhi salam avec le message. Et il lui a dit: comme j'aurais aimé être là, mais il était vieux à ce moment-là, Waraqa. Il était à la fin de sa vie. Comme j'aurais aimé être là le jour où ton peuple va te sortir de la ville, et je serai là pour te soutenir. Et le prophète va dire: et ils vont me sortir de la ville. Donc, il savait, d'après ses études dans l'évangile et chez les érudits de la religion, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses signes, c'est qu'il sera sort, il devra quitter sa ville. On le fera sortir de sa ville. Et dans le récit de Salman al-Farisi, radiallahu anhu, un autre récit, n'est-ce pas que c'était un mage, un zoroastrien, un adorateur du feu, parmi les Perses, les Iraniens. Puis, il est parti chez les chrétiens. Et de prêtre en prêtre, de prêtre en prêtre, à la fin, on lui dit: va en Arabie. C'est la terre où sortira le dernier prophète. Et ils lui ont décrit la cité ou la ville où va émigrer le prophète. Donc il savait déjà que le prophète de la fin des temps, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il devra quitter sa ville natale pour une autre ville. Et ils en avaient même la description. Subhanallah. Mmh. ومضت به إلى ابن عمها ورقة. Donc c'est elle qui l'a emmené à Waraqa. ومناقبها جمة. Elle a beaucoup de qualité. وهي ممن كبل من النساء. Et elle fait partie des femmes qui ont été considérées comme parfaites. كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة. C'était une femme raisonnable, une femme intelligente, une femme religieuse, une femme chaste, pure, honorable, une des femmes du paradis. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها. Jamais le prophète ne l'a oublié. Même ses épouses plus tard, ils entendront le prophète parler d'elle. Et lorsque une personne lui rappelait Khadija, il le disait, alayhi salatu wasalam, et ça se voyait en lui qu'il se rappelait de sa première épouse. Elle l'a beaucoup marqué, alayhi salatu wasalam. Donc il faisait ses éloges. وَيُفَضِّلُهَا عَلَى سَائِرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. Et il l'a préféré sur les autres mères des croyants. وَيُبَالِغْ فِي تَعْظِيمِهَا. Et il montrait cet amour qu'il avait pour elle énormément. بحيث إن عائشة كانت تقول ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة. Je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme comme je l'ai été pour خديجة. من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. Du fait que le prophète parlait d'elle souvent, beaucoup de fois. ومن كرامتها. Et parmi les côtés honorifiques de Khadija radhiyallahu anha, annaha lam yatazawwaj imra'atan qablaha. C'est que c'est sa première épouse. Il n'a jamais eu d'épouse avant elle. Wa ja'ahu minha 'iddatu awlad. Et il a eu d'elle beaucoup d'enfants. Wa lam yatazawwaj 'alayha qat. Et tant qu'il était marié avec elle, il ne s'est jamais marié en dehors d'elle. Il n'avait qu'elle comme épouse. Pendant toute la durée de mariage avec Khadija, c'était sa seule épouse. Alayhi salatu wassalam. Wa kanat tunfiq alayhi min maliha. Elle était riche. C'était une femme qui avait du commerce, qui était riche, et elle dépensait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui donnait. وتجر هو صلى الله عليه وسلم لها. Et il est arrivé que le prophète صلى الله عليه وسلم fasse du commerce pour elle. وهي أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. C'est la première femme avec laquelle il s'est marié. في السنة التي بنت قريش الكعبة. Vous savez, avant, les gens, ils connaissaient les périodes ou les moments pour dater une chose, c'est par des choses qui se sont passées. D'accord. Et le prophète sallam s'est marié l'année où Quraysh a reconstruit la Kaaba. Où Quraysh a reconstruit la Kaaba. Elle est connue, hein, l'histoire. Toutes les tribus qui forment les habitants de la Mecque, les Arabes de la Mecque, il y a plusieurs tribus. Donc ils sont là. La Kaaba, c'est le symbole, c'est la demeure d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est quelque chose de très grand. Et c'est un honneur de la reconstruire. Puis il reste le moment où il faut poser la pierre noire. Qui va poser la pierre noire? Donc chacun voudrait être celui qui va poser la pierre noire. Alors ils se sont mis d'accord, ils ont dit, le premier qui entre dans la mosquée sacrée, c'est lui qui la posera. Ils ont attendu. C'est qui cet homme qui vient? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui rentre et c'est lui, il leur a dit, prenez un drap. Mettez la pierre noire dessus et tous, un membre de chaque tribu va porter le drap. D'accord? Et puis le prophète il a pris la pierre noire et il l'a posée à son endroit. Donc cette année-là, où il y a eu cette chose qui s'est passée, c'est l'année dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija. Wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 20 bakra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné en dot de mariage 20 jeunes chameaux. 20 jeunes chameaux, dromadaires. Ça, c'est un détail, mais en français, on a le chameau et le dromadaire. Les Arabes ne connaissent pas le chameau. À la base, les Arabes ne connaissent que le dromadaire. Le chameau, c'est celui qui a deux bosses, qui est en Chine, en Asie. Et ça, les Arabes ne le connaissent pas. Ils connaissaient que le dromadaire et qui était affilié à eux. On l'appelle le Jamel al-Arabi. C'est le chameau arabe, c'est le dromadaire qui a une seule bosse. Et de l'Arabie, on l'a introduit au Maghreb. Et le Maghreb, on a des dromadaires qui à l'origine viennent d'Arabie. وَكَانَ عُمْرُهُ 25 سَنَةً. Le prophète sallallahu alayhi lorsqu'il s'est marié avec Khadija, il était âgé de 25 ans. وَعُمْرُهَا 40 سَنَةً. Et elle avait 40 ans. Et elle avait 40 ans. Certains disent 28 ans, mais ça c'est l'avis le plus sûr sur cette question-là. وَكَانَ مِنْهَا كُلُّ وَلَدِهِ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ. Et tous ses enfants, il les a eus avec Khadija, sauf Ibrahim. C'est le seul dont Khadija n'est pas la mère. Et les enfants qu'il a eus avec Khadija, وهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ثم بعدهن القاسم. Et après, il a eu Al-Qasim. Donc, il a eu quatre filles en premier, puis il a eu Al-Qasim. Et il est dit qu'il a eu d'autres garçons. Certains disent qu'il a eu Al-Tayyib ou Al-Tahir. Il dit aussi avec l'un, il s'appelait Abdullah, et que ce sont des qualificatifs qu'on lui a donnés à Abdullah. Mais les garçons, ils sont morts nourrissons. Celles qui ont vécu, ce sont les filles. Et toutes ces filles, elles sont mortes avant lui, alayhi salatu wassalam, sauf Fatima, radiallahu anhum ajma'in, qui elle est morte 6 mois après le prophète sallam. C'est pour cela que lorsque le prophète sallam il est mourant, et Fatima entre, il lui dit quelque chose à voix basse, elle pleure, et il lui dit une autre chose à voix basse, et elle sourit. Aisha radiallahu anha, plus tard, elle va demander à Fatima, c'est quoi ? Je t'ai vu, il t'a parlé doucement à ton oreille, il t'a dit une chose, tu as pleuré, il t'a dit une chose, tu as souri. Il m'a dit qu'il va bientôt nous quitter, j'ai pleuré. Puis il m'a dit que je serai la première à le rejoindre de sa famille et j'ai souri. Voilà. Lorsque Aïcha radhiyallahu anha, elle lui a demandé. Wa matat Khadija radhiyallahu anha qabla al-hijra bi 3 sinin. Et donc Khadija radhiyallahu anha, elle est morte avant la hijra, avant l'immigration, 3 ans avant. Tayyib. Deuxième épouse du prophète, sallam, Saouda, bint Zam'a al-Qurashiyya. Saouda, la fille de Zam'a al-Qurashiyya, et qui est aussi une Qurashiyya. Toufiyat sanata 54 min al-hijra. Elle est décédée en l'an 54 de l'Hijra. Plus de 40 ans après la mort du prophète, sallam. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة بأيام. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est marié avec elle après la mort de Khadija, quelques jours après. Donc quelques jours après la mort de Khadija رضي الله عنها, il s'est marié avec سودة رضي الله عنها. وأصدقها 400 درهم. Et il lui a donné en dot de mariage 400 dirhams. À l'époque, ils avaient comme monnaie le dinar et le dirham. Le dinar, ça, c'était pour l'or. Et le dirham, c'est pour l'argent. D'accord ? En matière d'or, c'était le dinar. Et en matière d'argent, c'était le dirham. Donc 400 dirhams. Donc le fait, c'est aussi une parenthèse. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la baraka dans le mariage, la bénédiction, elle est dans le peu et non pas dans le beaucoup de dots, ça ne veut pas dire venir les mains vides. Les gens, ils comprennent, chacun comprend comme il veut, subhanallah. Les textes, il faut les assembler. Vous entendez, le prophète, qu'est-ce qu'il donne en dots de mariage? Il n'y a pas de contradiction dans la tradition prophétique. Donc, les gens n'ont pas les mêmes situations. Il y en a pour qui telle somme, c'est beaucoup. Et pour qui telle somme, la même somme, c'est pas grand-chose. Selon le niveau de vie des gens, subhanallah. Et les moyens des gens. L'essentiel, c'est d'aller selon ses capacités. Hein, pas plus. Bien que la dot symbolique soit telle, mais elle peut être très onéreuse, comme elle peut être qui n'a pas beaucoup de valeur. Vous comprenez? Donc, il faut un juste milieu là-dessus. Les gens, quand ils ont les moyens, il ne faut pas. Un bal ne m'a rien demandé, il ne m'a pas demandé grand-chose. Mais toi, tu fais quoi dans tout ça? C'est ton mariage, subhanallah. Mets la main à la poche, comme on dit, subhanallah. N'aie pas peur, c'est pour ta future épouse, subhanallah. Donc, ça, c'est un rappel, inshallah. Tayyib. Le mariage, c'est quelque chose d'heureux. Il faut arrêter de croire qu'un mariage, c'est comme un enterrement. Non, mais c'est bon, on m'a dit qu'il fallait que deux témoins, le tuteur, c'est bon, plus personne. Allez, une bouteille d'eau et c'est bon. Excusez-moi, mais il faut arrêter. C'est ton mariage. Des fois, on se pose des questions. Vous n'avez pas de famille. Vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez rien. Subhanallah, des gens. Non, mais je ne veux pas qu'ils soient... Mais un mariage, ça... Alhamdoulilah, on est heureux et on veut faire participer les gens. Voilà. Si on est vraiment des frères ou les sœurs, elles sont sœurs entre elles, ça se partage. Les moments de tristesse, on est là. Les moments de joie, on est là. Subhanallah. C'est pour ça que même, par exemple, dans le moment de mariage, ce n'est pas une sunna de faire des cours, de faire une conférence. Il y a des gens, ils ne veulent pas voir les gens sourire. Ah, c'est pas bien, là, les gens parlent de la dunya, il faut... Non, chaque chose en son temps, c'est un moment de joie. Tant qu'il n'y a pas d'interdit, on laisse les gens dans leur joie et participer à cette joie. Il faut arrêter de faire croire qu'il n'y a pas de moment de joie. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de mal. Par-ci, par-là, on en profite pour faire une petite kalima, une petite parole. Mais ce n'est pas une règle. On n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas demandé. On peut tranquillement assister à un mariage. On est content, on est heureux. Les gens, ils nous voient, ils voient un moment de joie. Subhanallah. Et puis... Donc ça, c'est important. طيب. ولما كبرت رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. Lorsqu'elle a pris de l'âge, elle a sa journée à elle. Parce que le prophète sallam était équitable avec ses épouses. Chacune elle avait son temps. Ben son temps à elle, elle l'a donné à Aïcha رضي الله عنها. Elle l'a donné Aïcha radiallahu anha. Et ça, c'est une des vertus de Saouda radiallahu anha. C'est que pour faire plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a donné, elle a donné sa journée à Aïcha. Comme elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la compagnie de Aïcha radiallahu anha, elle a donné sa journée pour Aïcha, pour satisfaire le prophète alayhi salatu wa sallam. طيب. Troisième épouse du prophète sallam, Aïcha bintu Abi Bakr al-Siddiq al-Qurashiyya radiyallahu anha. Aïcha, la fille du meilleur des hommes après les prophètes, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anha, Abu Bakr le véridique al-Qurashiyya, qui est aussi de la tribu de Quraysh. Tuwfiyat sanata 57 min al-Hijra. Elle est morte radiyallahu anha en l'an 57 de l'Hégire. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Makkata qabla al-Hijra bi sanatayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle à la Mecque 2 ans avant l'émigration. Wa hiya bintu 6 sinin, elle était âgée de 6 ans. Il n'y a que le mariage qui a été fait, c'est tout. Wa bana biha bil Madina fi Shawwal min as-sanati al-ula min al-Hijra. Mais il ne l'a prise, il a consommé ce mariage que lorsqu'elle était âgée de 9 ans, lorsqu'ils ont émigré à Médine, la première année de l'émigration, dans le mois de Shawwal, c'est-à-dire le 10e mois du calendrier musulman. Et c'est la seule femme les mots, quand ils partent, ils partent. C'est la seule femme vierge avec laquelle il s'est marié. Alayhi salatu wa salam. Toutes les autres femmes, elles ont déjà été mariées. Toutes les autres épouses du prophète salam, elles ont déjà été mariées. Wa zawajuhu sallallahu alayhi wa sallam bi Aisha radiallahu anha kana bi wahyin min Allah azza wa jal. Son mariage avec Aïcha, c'est une révélation qu'il a reçue d'Allah, Azza wa Jal. Il en a fait son épouse. Il l'a vue en rêve, et les rêves des prophètes sont une révélation. Les rêves des prophètes. Les rêves de qui ? Des prophètes. Hein ? Et donc, ça n'a rien à voir avec les rêves des chiouks, des soufis, qui en font une révélation, l'iyadu billah. Donc, ils s'adonnent des caractères propres aux prophètes, l'iyadu billah. وفضائلها لا تحصى كثرة ألا بكو دو فيرتو دو ميريت رضي الله عنها ويكفي أنها كانت من أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il suffit comme vertu et comme honneur qu'elle soit l'une des femmes les plus préférées du prophète عليه الصلاة والسلام. Et aussi قد أنزل الله في تبرئتها مما رماها به أهل الإفك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. Et aussi une de ses vertus, c'est qu'elle a été innocentée des accusations mensongères de ces mauvaises personnes parmi les grands hypocrites de Médine qui ont profité à un moment donné de propager un mensonge qui touche l'honneur et la dignité du prophète alayhi salatu wassalam, comme on l'ont fait les juifs avec la mère du Christ, avec Maryam alayhi salam, la mère de Isa alayhi salam, lorsqu'ils l'ont accusée mensongèrement qu'elle a commis l'adultère. Ils l'ont fait avec Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha radiallahu anha, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui l'a innocenté par des versets coraniques qu'on récite jusqu'à la fin des temps. Et on voit ces rawafid, ces chiites, qu'Allah il leur donne la punition qu'ils méritent, qui viennent dire non, Aïcha a commis l'adultère. A'oudou billah. Ils ont le culot de parler ainsi de l'épouse du prophète. Les compagnons du prophète, les plus proches compagnons du prophète, ce sont des mauvaises personnes qui ont apostasié. Le prophète, il ne sait même pas avec qui il est. Subhanallah. Ceux qui sont les amis, les intimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les pires des personnes auprès des chiites et des rawafid. Wal'iyadu billah. Les chiites d'aujourd'hui, pas les premiers qu'on a appelés chiites au début de l'islam, les premiers siècles, ceux qui se faisaient appeler chiites, ce sont des gens qui avaient un problème dans le fait qu'ils donnaient prééminence à Ali radiallahu anhu, que c'était lui qui était réduit à être le premier calife ou pas. Cela, c'était sur ces points-là, même s'il y avait erreur. Puis après, de là sont nés les rawafid. Mais ceux qu'on appelle aujourd'hui les chiites, d'un point de vue général, ce sont tous des rawafid. Ce sont des rawafid. Tayyib. Wal'iyadu billah. Et donc, il s'attaque à Aïcha radiallahu anha. En faisant cela, il démonte le Coran. L'innocence de Aïcha qui est citée dans le Coran. Wallahu al-musta'an. Et elle considère le plus grand apostat son propre père à elle, qui est Abu Bakr al-Siddiq, le véridique, le meilleur des hommes après les prophètes. C'est le plus grand ennemi. Lui est Omar, le deuxième homme le plus important après les prophètes. Ce sont les pires des apostats chez les rawafid. Wal'iyadu billah. Puis les frères musulmans, ils viennent dire que c'est qu'un problème politique. Qu'Allah il leur donne la punition qu'ils méritent. On ne joue pas avec la religion d'Allah Azza wa Jal. L'amour d'atteindre le siège, d'atteindre la présidence, la royauté ou je ne sais quoi, wal'iyadu billah, regardez où est-ce qu'elle amène les gens. Allahu al-musta'an. Tuwfiya anha sallallahu alayhi wa sallam wa hiya ibnatu 18 sana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort et elle était âgée de 18 ans. Wa tuwfiyat bil Madina sanat 57 min al Hijra. Elle est morte à Médine radiyallahu anha en l'an 57 ou 58 de l'Hijra. Wa salla 'alayha Abu Hurayra radiyallahu anhu. Et celui qui a présidé la prière funéraire sur Aïcha radhiyallahu anha, c'est Abu Huraira radhiyallahu anhu. Et elle est enterrée dans le cimetière de l'Baqir, près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hafsa bint Umar ibn al-Khattab al-Qurashiyya radiyallahu anha. Quatrième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hafsa, la fille de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha. Abu Bakr et Umar sont les beaux-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Uthman et Ali sont les gendres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est décédée en l'an 41 de l'Hijra. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sanata 3 min al-Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle en l'an 3 de l'Hijra. Wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 400 dirhams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné en dot, comme dot pour le mariage, 400 dirhams. Wa kana umruha 20 sana. Elle était âgée de 20 ans. Kanat min al-muhajirat. Elle fait partie de ceux qui ont fait l'immigration de Mecca à Médine. Wa kanat qablahu 'inda Khunais ibn Hudhafa as-Sahmi. Avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été marié avec un homme qui s'appelle Khunais ibn Hudhafa as-Sahmi. Falamma ta'ayyamat dhakaraha Umar. Donc là, c'est un long récit. Après qu'elle est devenue veuve, après le décès de son mari, Umar radiallahu anhu, il veut la proposer au meilleur des hommes. Et il ne pense pas, lui, à ce moment-là, que le prophète va la prendre comme épouse. Donc il va voir certains compagnons. Il va la proposer à Uthman, à Abu Bakr. Il va leur proposer. Mais Uthman et Abu Bakr sont au courant. Ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parler. Donc ils ne lui ont pas répondu. Omar, il va mal le prendre. Il pense qu'ils ne veulent pas se marier avec sa fille. Mais plus tard, il va comprendre qu'en réalité, c'est parce qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait la demander en mariage. Donc ils n'ont pas voulu, hein, répondre à Omar radiallahu anhu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se marier avec elle. طيب. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها كانت أمينة. Parmi les vertus de cette femme, de Hafsa رضي الله عنها, c'est que c'était une femme digne de confiance. فكانت الصحف التي جمعها أبو بكر رضي الله عنه عندها بعد وفاته. Les feuillets du Coran, le Coran réuni, qu'Abu Bakr Siddiq avait réuni, il les a laissés chez Hafsa. C'est Hafsa qui les préservait. Thumma fi khilafati Umar radiyallahu anhu, puis même pendant le califat de Umar radiyallahu anhu. Thumma arsalatha ila Uthman radiyallahu anhu fi khilafati, puis pendant le califat de Uthman radiyallahu anhu, elle lui a donné ses feuillets. وفيت حفصة رضي الله عنها سنة 41 حفصة عام الجماعة حفصة رضي الله عنها est décédée en l'an 41 de l'Hijra. عام الجماعة c'est l'année du groupe, c'est l'année où الحسن رضي الله عنه الحسن رضي الله عنه il va agir en sorte de réunir les rangs des musulmans lorsqu'il y a ce conflit, et que le Hassan avait pris le pouvoir après son père Ali radiallahu anhu pendant 6 mois, mais qu'il y a eu un problème, puis Al-Hassan va céder et laisser le plein pouvoir à Muawiyah radiallahu anhu radiallahu anhu ajma'in, et on appellera cette année-là Amul Jama'a, c'est l'année du regroupement, la réunion. Donc son action a contribué à réunir les rangs des musulmans. Et c'est aussi la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un jour il est avec Al-Hassan, il dit, mon fils que voici, est un maître, Sayyid, est une élite. Et Allah tabaraka wa ta'ala réunira les rangs des musulmans par son biais. Et cela se concrétisera ce jour-là. Radiallahu anhu. Wa anhum ajma'in. Donc c'est l'année dans laquelle est morte Hafsa. Radiallahu anha. وقيل توفيت سنة 45 بالمدينة. Et il dit qu'elle est née, qu'elle est morte. Le premier, c'est la vue le plus sûr, mais il dit aussi qu'elle est morte en l'an 45 de l'Hégire. Et elle a été enterrée à Médine. وصلى عليها والي المدينة مروان. Et c'est le gouverneur de Médine à ce moment-là, Marwan, qui va présider la prière funéraire sur elle. Est-ce que je peux continuer ou faire, je termine après l'Isha? Amjad. Non, je continue. Hein? طيب تأذن طيب. طيب. Cinquième épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Zaynab bint Khuzaima al-Hilaliya. Zaynab, fille de Khuzaima al-Hilaliya. Toufiyat sanata thalath min al-Hijra. Elle est morte en l'an 3 de l'Hégire. Kanat tud'a fil jahiliya umm al-masakin. On l'appelait, elle avait comme surnom à l'époque pré-islamique, la mère des pauvres. La mère des pauvres. Les kathrati ma'roufiha. Tellement qu'elle donnait et qu'elle s'occupait des personnes dans le besoin, des pauvres et des nécessiteux. Kanat inda Abdullah ibn Jahsh. Elle était l'épouse de Abdullah ibn Jahsh. Faqutila yawma Uhud. Et il a été tué lors de la bataille de Uhud. وهي أخت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها لأمها. Et c'est la sœur du côté de la mère d'une autre mère des croyants, ميمونة رضي الله عنها. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة ثلاث. Et le prophète sallam s'est marié avec elle pendant le mois de Ramadan en l'an 3 de l'Hégire. وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a donné en dot 400 dirhams. وكان دخوله صلى الله عليه وسلم بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر رضي الله عنها. Et il a consommé son mariage avec elle un peu après l'avoir consommé avec Hafsa, la fille de Omar رضي الله عنها. ثم لم تلبث عنده. Ne soyez pas étonnés que j'ai dit elle est morte en l'an 3 et il s'est marié avec elle en l'an 3. Certains se posaient la question. Qu'est-ce qui se passe? Avancez, Inch'Allah. Faites de la place pour vos frères. Taïb. Thumma lam talbath indahu illa shahrayni aw thalatha. Mais elle n'est restée auprès de lui, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que pendant 2 mois ou 3 mois. وماتت. Et elle est décédée, radiallahu anha. Donc elle a été son épouse que pendant une durée de 2 ou 3 mois. Donc dans la même année où il s'est marié avec elle, elle est décédée, radiallahu anha. Salla alayha zawjuha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa dufnat bil baqiya. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en personne qui a présidé sa prière funéraire. Et elle a été enterrée dans le cimetière de l'Baqiya. Sixième épouse du prophète عليه الصلاة والسلام, Umm Salama Hind bint Abi Umayya al-Makhzumiyya. Umm Salama Hind, la fille d'Abu Umayya al-Makhzumiyya. Toufiyat sanata 62 min al-Hijra. Elle est décédée en l'an 62 de l'Hijra. هي بنت عم خالد بن الوليد رضي الله عنه. C'est la cousine. C'est la cousine de Khalid ibn al-Walid رضي الله عنه. السيدة المحجبة الطاهرة. C'est une femme, c'est une élite comme femme. La femme qui était voilée, qui était chaste et pure. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع من الهجرة في شوال. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est marié à elle en l'an 4 de l'Hégire, pendant le mois de Shawwal, le 10e mois du calendrier musulman. عن أنس رضي الله عنه قال لما حضرت أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة إلى من تكلني؟ فقال اللهم إنك لأم سلمة خير لأم سلمة خير من أبي سلمة. فلما توفي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc lorsque son mari Abu Salama, il était mourant, son épouse Umm Salama lui a dit: avec, tu vas me laisser à qui après toi? Et il a dit: oh Allah, donne-la à quelqu'un qui soit mieux qu'Abu Salama. Réserve-la à quelqu'un qui soit meilleur qu'Abu Salama. Puis après la mort d'Abu Salama, c'est le prophète en personne qui l'a demandé en mariage. كانت تعد من فقهاء الصحابيات. Elle était considérée parmi les savantes, les femmes savantes des compagnons. ومن أجمل النساء وأشرفهن نسبا. Et parmi les plus belles femmes et les femmes les plus nobles. وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين. C'est la dernière mère des croyants à décéder, رضي الله عنها. Comme on l'a vu, en l'an 62 de l'Hégire, c'est-à-dire 50 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عمرت نحو من 90 سنة. Elle a vécu près de 90 ans. رضي الله عنها. Septième épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Zaynab bint Jahsh al-Qurashiyya. Zaynab, fille de Jahsh, la Qurayshi. Tuwfiyat sanata 20 min al-Hijra. Elle est morte en l'an 20 de l'Hijra. Ibnatu ammati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. C'est la fille de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wasallam, c'est sa cousine. Et la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la mère de cette femme, elle s'appelle Umayma bint Abd al-Muttalib. Umayma bint Abd al-Muttalib. Min al-Muhajirat al-Awwal. Parmi les premières à faire l'immigration. Wa kanat min sadat al-nisa dinan wa wara'an wa wujudan wa ma'rufan radiyallahu anha. Elle était parmi l'élite des femmes d'un point de vue religieux, d'un point de vue d'ascétisme, de générosité et de bienfait aux autres. Wa kanat 'inda Zayd mawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle était l'épouse de Zayd, qui avait été adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Zayd, il était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam. Et tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prenait comme son fils, on lui donnait le nom de Zayd ibn Muhammad. Dans la ville de la Mecque, on l'appelait Zayd, fils de Muhammad. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran en interdisant d'affilier un enfant qui n'est pas le tien. Allah a dit: ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes. Puis on l'a affilié à son véritable père et on l'a appelé Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Et cette femme, une de ses spécificités, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a mariée directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a mariée. Et elle était très heureuse de cette spécificité qui lui était donnée à elle seule. C'est que elle, son mariage, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a mariée au prophète alayhi salatu wa salam. Il y a un récit, il y a même des versets coraniques révélés là-dessus pour ceux qui veulent plus le sujet en détail. ومن فضائلها أنها كثيرة الصدقة. Et parmi ses mérites et ses vertus, c'est qu'elle était connue pour donner beaucoup de d'aumônes, de faire beaucoup d'aumônes. توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت رضي الله عنها بالبقيع وصلى عليها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Elle est morte رضي الله عنها en l'an 20 de l'Hégire à Médine. Elle a été enterrée dans le cimetière de Al-Baqir et celui qui a présidé la prière funéraire sur elle, c'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Huitième épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, Jouwayriya bintul Harith al-Mustalaqiyya. Al-Mustalaqiyya. Jouwayriya, fille de Harith, توفيت سنة 50 من الهجرة. Elle est morte en l'an 50 de l'Hégire. سبيت يوم غزوة بني المستلق في السنة الخامسة. Donc, elle a été prise dans le butin de guerre lors de la bataille de بني المستلق en l'an 5 de l'Égypte. وكان اسمها برة. Son prénom c'était برة. فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui lui a changé son prénom. وكانت من أجمل النساء. Et elle faisait partie des plus belles femmes. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 20 سنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est marié avec elle alors qu'elle était âgée de 20 ans. وتوفيت سنة 50 وقيل 56. Elle est morte en l'an 50 de l'Hégire et il est aussi rapporté qu'elle est morte en l'an 56. Neuvième épouse du prophète عليه الصلاة والسلام أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان القرشية. أم حبيبة رملة fille d'Abu Sufyan. Voilà la sœur de معاوية رضي الله عنهم أجمعين. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان القرشية توفيت سنة 44 من الهجرة. Elle est morte en l'an 44 de l'Hégire. السيدة المحجبة une des élites des femmes qui était la connue pour voilée, pure, chaste, أخت معاوية رضي الله عنه, la sœur de معاوية, زوجه إياها خالد بن سعيد بن العاص وهما بأرض الحبشة. زوجه إياها خالد بن سعيد بن العاص وهما بأرض الحبشة سنة 7 وأصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار. Elle a été mariée à lui alors qu'elle était en Abyssinie. Celui qui l'a mariée au prophète, c'est Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Et celui qui lui a donné la dot à la place du prophète, c'est le Négus, l'empereur d'Abyssinie, lui-même, qui était musulman, il était converti à l'islam. Et donc, c'est lui qui a donné à la place du prophète la dot à cette femme. Parce qu'elle faisait partie de ceux qui ont fait la première immigration. Et sont restés en Abyssinie jusqu'en l'an 7 de l'Hégire. Puis ils ont quitté l'Abyssinie pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et Najashi, le Négus, l'a donné en dot à cette femme 400 dinars. 400 dinars. Donc là c'est en or. وهو الذي كان خطبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est lui qui l'a demandé pour le prophète صلى الله عليه وسلم. Qui a demandé cette femme pour le prophète عليه الصلاة والسلام. وهي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم. Et elle fait partie des cousines du prophète عليه الصلاة والسلام. ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها. C'est d'un point de vue parental ou d'affiliation, la plus proche en parenté du prophète عليه الصلاة والسلام. وهي أكثر صداقا من ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها. Et il n'y a eu aucune épouse du prophète sallam qui a eu autant de dot que elle. Celle qui a eu la plus grande dot. توفيت سنة 44. Elle est morte en l'an 44 de l'Hégire. Dixième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Safiyya bint Huyay. Safiyya, la fille de Huyay. On en a parlé tout à l'heure. C'est la fille de Huyay ibn Akhtab. توفيت سنة 36 من الهجرة. Elle est décédée, radiallahu anha, en l'an 36 de l'Hégire. من ولد هارون ابن عمران عليه السلام. Elle descend sa lignée de Harun, le frère de Moussa عليه السلام. Elle est connue sa lignée, donc sa lignée, elle va jusqu'à le prophète d'Allah, Harun. C'est pour cela que lorsque entre coépouses, elles ont eu à parler et on lui a fait des sous-entendus à Safiyya, elle s'en est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu viens d'où? Tu es issu d'où? De quelle famille? Elle l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit, dis-leur que tu es l'enfant d'un prophète, tu descends un prophète et que tu es marié à un prophète. Une bonne lignée et un bon époux qu'elle a. Sabaha min Khaybar sanata sab'a. Donc elle faisait partie du butin de guerre de Khaybar en l'an 7 de l'Hégire. Fastafaha li nafsi. Et le prophète sallam l'a pris pour ça pour lui-même. Wa awlama Rasulullah sallam walimatan kana fiha suwayq wa tamr. Et le prophète sallam a fait une walima avec des dattes et autres produits pour ce mariage. Wa ja'ala 'itqaha sadaquha. Et il a fait de son affranchissement c'était sa dot. Wa kanat sharifa. Et c'était une femme qui était noble, 'aqila, intelligente. ذات حسب qui est issu d'une noble famille wa jamal wa din, elle était connue pour sa beauté et pour sa bonne religion. Wa min khasa'isiha annaha min 'a'ilati al-anbiya. Et parmi ce côté spécifique à elle, c'est qu'elle vient d'une famille issue d'un prophète. Fa 'an Anas radiyallahu anhu qala balagha Safiyya أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت. Donc Safiyya, il lui est parvenu que Hafsa l'a dit d'elle qu'elle était la fille d'un juif. En entendant cela, elle a pleuré. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. Le prophète صلى الله عليه وسلم est entré chez elle et il l'a trouvée en train de pleurer. فقال صلى الله عليه وسلم وما يبكيك. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit mais qu'est-ce qui te fait pleurer? فقالت قالت لي حفصة إني بنت يهودي. حفصة a dit de moi que j'étais la fille d'un juif. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي. Professeur Salim lui a dit tu es certes la fille d'un prophète et ton oncle c'est un prophète et tu es marié à un prophète. ففيما تفخر عليك. En quoi elle peut se croire au-dessus de toi? En quoi elle peut se vanter sur toi vu ce que tu as? ثم قال صلى الله عليه وسلم اتق الله يا حفصة. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Hafsa crains Allah ô Hafsa. توفيت سنة 36 وقيل 50. Elle est morte en l'an 36 de l'Hégire. Et il est aussi rapporté en l'an 50. Mais les premières dates qu'on donne, c'est les dates considérées comme le plus sûr là-dessus. Onzième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Maymouna bint al-Harith al-Hilaliya. Maymouna, la fille de al-Harith al-Hilaliya, توفيت سنة 51 من الهجرة. Elle est morte en l'an 51 de l'Hégire. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع من الهجرة. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est marié à elle en l'an 7 de l'Hégire. حين فرغ من عمرة القضاء. lorsqu'il a terminé la Umrah, le petit pèlerinage d'expiation. Pourquoi ? Parce qu'en l'an 6 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont quitté Médine pour faire la Umrah. Arrivés à Dhul Hulayfa, qui est le Miqat, ils se sont mis en état de sacralisation. Puis, arrivés à un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah, ils ont appris que les Mekkois, Quraysh, ne veulent pas les laisser entrer. Et donc, ils ne pourront pas aller faire la Umrah. Puis, les Mekkois envoient un homme qui sera plus tard un des compagnons, radiallahu anhu, pour faire un accord de paix avec le prophète, un pacte de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on va appeler Sulhu al-Hudaybiyah. Sulhu al-Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, le pacte de paix de l'Hudaybiyah. Et cet homme qui est envoyé, quand le prophète va le voir, il va dire là, Quraysh veut de la paix. Parce que si c'est lui qui vient au nom de Quraysh, lui ne viendra pas si ce n'est pas sérieux. C'est un homme qui était connu pour sa confiance et son sérieux. Et cet homme, c'est Suhail, radiallahu anhu, c'est très bien. Suhail ibn Amr, radiallahu anhu. Suhail ibn Amr, radiallahu anhu. Puis, dans le pacte, il est dit, cette année, vous ne faites pas la Umrah, mais vous pourrez revenir l'année prochaine pour faire la Umrah. En l'an 7 de l'Hégire, et on l'a appelé Umratul Qadha. C'est la Umrah qui vient remplacer, qui vient expier celle qui n'a pas pu être faite. Taïb. Donc, après cette Umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Maymouna bint al-Harith al-Hilaliya radiallahu anha. Wa asdaqaha al-Abbas an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 400 dirham. Et là, pour ce mariage, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs oncles paternels. Mais il y en a deux qui sont entrés dans l'islam. Hamza et Al-Abbas, radiallahu anhuma. Et là, Al-Abbas, c'est lui qui va donner la dot pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va donner 400 dirhams pour cette dot-là. Wa hiya akhiru man tazawwaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la dernière épouse du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après, le prophète va vivre 3 à 4 ans. Pendant ces années-là, le prophète ne se remarie plus. C'est la dernière épouse du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Elle faisait partie des maîtres ou des élites des Arabes, cette femme. ويقال انها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. Et il est dit que c'est elle qui est voulue dans le verset coranique, la femme qui s'est proposée au prophète صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة 51. Elle est morte en l'an 51 de l'Hégire. ويقال صلى عليها ابن عباس رضي الله عنهما وهي خالته. Et il est dit que c'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui a présidé la prière funéraire sur elle, et elle est sa tante maternelle. Elle était pour lui sa tante maternelle. Ha'oula hunna ummahatu al-mu'minin, radiallahu anhunna. Voilà les mères des croyants, qu'Allah les agrée toutes. Wa hunna zawjatuhu fi dunya wal-akhirah. Et elles sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde et dans l'au-delà. والواجب على المسلم احترامهن. Il est un devoir, une obligation pour tout musulman de les respecter. ومحبتهن. Et de les aimer. وعدم الطعن فيهن. Et de ne jamais parler en mal d'elles, ni de les rabaisser, ni de les dénigrer, ou toute autre forme de choses non convenables. Car elles sont d'honorables femmes, les meilleures des femmes, les épouses du prophète alayhi salatu wa salam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.